Campus FM. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour cet épisode de Agro J'écoute, spécial dans le cadre de la journée Futur Proche à l'école d'ingénieurs de Purpan. Je suis Alexandre Goffridi, purpanaise de la 102e promotion, et nous avons le plaisir d'accueillir des purpanais pour parler des métiers de la transition agroécologique. Agro J'écoute, ça commence maintenant. Agro J'écoute, l'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. Agro J'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. Tout est produit en cidre devrait être interdit. En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'école d'ingénieurs de Purpan. Nous accueillons Julie Garcia, de la 100e promotion, qui est animatrice de collectifs agroécologiques et agritourisme et de circuits courts à la Fédération régionale des CIVAM d'Occitanie. Nous accueillons également Émilien Méraville, de la 102e promotion, qui est jeune agriculteur dans le Tarn-et-Garonne et s'installe sur l'exploitation familiale en agriculture biologique avec la création en cours d'un élevage caprin. Nous accueillons également Baptiste Andrieux de la 90e qui est cofondateur de Canopée Consulting qui fait des levées de fonds et du conseil stratégique en agri-agro. Nous avons Quentin Sanger de la 94e qui est coordinateur de l'association Les Décompactés de l'ABC. Donc l'ABC c'est l'agriculture de conservation des sols bio. Nous avons également Sophie Plazin de la 88e chargée de recherche en agronomie, système à l'UMR Agir. Donc Agir, c'est agroécologie, innovation et territoire à l'INRAE. Et moi-même, Alexandre Goffridi de la 102e, donc je suis conseillère agronome et présidente de Purpan Lumi. Nous allons commencer avec des petites questions sur la transition et vos métiers respectifs. Donc nous allons commencer par définir ce qu'est la transition agroécologique. Sophie, est-ce que tu pourrais nous donner ta définition ? Alors d'abord, on va commencer par définir agroécologie et transition. Donc l'agroécologie, c'est un mode de production agricole qui vise à valoriser la diversité biologique et les processus naturels pour réduire l'usage d'intrants comme des fertilisants, des produits phytosanitaires et des énergies fossiles. Et ça repose sur plusieurs principes. Donc à la fois chercher de la diversité dans les systèmes, favoriser le recyclage des nutriments. Mais ça passe aussi par des processus de co-création, de connaissances et de partage entre des agriculteurs, des chercheurs, des conseillers. Et donc la transition agroécologique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un processus qui vise à changer les modes de production agricole actuels pour plus se baser sur les principes de l'agroécologie. Donc c'est quelque chose d'assez complexe. Parce qu'en effet, ça nécessite des changements à la fois techniques, mais aussi sociaux, dans les valeurs. Ça nécessite de travailler plus ensemble et de travailler, en tout cas au niveau scientifique, de manière plus interdisciplinaire en mobilisant de l'agronomie, de l'écologie, de la sociologie. Donc en effet, une définition très complexe. Merci. Émilien, donc toi, tu as fait le parcours de spécialisation en agroécologie en dernière année à Purpan. Comment s'inscrit la transition agroécologique dans ton projet d'installation de jeunes agriculteurs ? Eh bien, alors pour commencer, comme l'a dit Sophie, c'est beaucoup d'interactions, c'est beaucoup de pratiques qui doivent être mises ensemble, en commun. C'est très complexe. Les pratiques que nous, on essaie de mettre en place toujours de plus en plus de pratiques sur l'exploitation familiale. Donc, comme vous l'avez dit, déjà l'exploitation est en bio depuis 92. Donc, on fait partie des premiers dans notre région à s'être converti en agriculture biologique. On essaye, à travers le parcours, à travers tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai pu apprendre avec Purpan et tout, on essaye de remettre en place des haies, donc on étudie beaucoup les essences d'arbres et tout, qu'on essaie de remettre sur l'exploitation. On essaie de remettre des haies donc, pour redélimiter les parcelles, pour même rediviser des parcelles. Donc au sein des vignes, par exemple, on est en train d'arracher de la vigne pour mettre des haies à la place, pour attirer des auxiliaires, limiter nos intrants, les produits phytosanitaires, enfin il y a plein de bénéfices à ça. Alors, il y a aussi des inconvénients, mais ça, on aura peut-être l'occasion d'y revenir plus tard. On essaye déjà, on va arrêter tout ce qui est production de céréales impures. On va mettre en place des mélanges, des métailles, de telle sorte à favoriser la biodiversité. Et après bon, il y en a plein d'autres, parce que voilà, on fait un élevage caprin, donc on va essayer de valoriser le lactosérum au maximum, de valoriser le lait qui ne sera pas bon à la production de fromage. Enfin voilà, on met en place plein de petites choses pour essayer d'être beaucoup plus efficient et moins dépendant des intrants externes. Très bien, donc en effet beaucoup de projets très complexes, donc ça complète de manière un peu plus précise que Sophie nous a dit dans la pratique d'une exploitation. Sophie, toi tu accompagnes aussi VAM des groupes d'agriculteurs, Julie pardon, tu accompagnes des groupes d'agriculteurs dans la transition agroécologique, aussi VAM, ce terme c'est très vaste, on l'a vu, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de projet sur lequel tu travailles avec un de tes groupes d'agriculteurs ? Oui tout à fait. Alors, l'un des groupes avec lesquels je travaille, c'est un groupe de viticulteurs qui sont dans le Minervois, côté Hérault. Et c'est un groupe défi, donc, dans le cadre du plan Ecofito, qui permet des échanges de pratiques et de l'expérimentation à l'échelle de la ferme, et surtout des échanges de pratiques avec les agriculteurs et agricultrices qui font partie du groupe, et qui permet de... tous et toutes de s'améliorer justement aller vers la transition agroécologique. Il y en a plusieurs qui font partie de ce groupe qui sont passés en agriculture bio, par exemple. Et à titre d'exemple, l'année dernière, ils ont beaucoup travaillé sur la question de la diversification. Et là, cette année, on va travailler un peu plus sur la gestion des sols sans herbicides. Ok, merci beaucoup. Quentin, toi tu animes une association d'agriculture de conservation des sols bio, des pratiques qui remettent en question des systèmes plus classiques, si je puis dire. Pourquoi est-ce que tu t'es orienté et engagé sur ces pratiques-là ? Parce que j'ai fait l'école d'ingénieur de Purpan. Très bonne réponse. Parce que je suis passionné d'agronomie, de bien manger, de valeur ajoutée, des agriculteurs, agricultrices. Je pense que mon parcours, c'est beaucoup ça. Et la nature, la complexité de la nature, et que quand on cherche du coup à faire un produit de qualité, qu'on se place dans le cadre, on peut débattre du sujet de l'agriculture bio, en tout cas du label bio. Donc, pas de produits phytosanitaires de synthèse et d'engrais minéraux. On travaille peut-être le sol. Et quand on travaille le sol, on minéralise, des fois on peut le chercher. Et quand l'humain s'est sédentarisé, on a travaillé les sols avec des bœufs. Maintenant, avec tout l'arsenal qu'on a déployé, qui est en question plus aujourd'hui, on essaye de réduire. Il y a l'agriculture de conservation qui a été basée sur le glyphosate. C'est donc quand on est en bio, c'est passionnant de sciences agronomiques de chercher les solutions pour cumuler agriculture de conservation, donc prendre soin des sols et le bio. Voilà. Très bien, beaucoup de passion dans tout ça. La transition, là, il faut la financer, donc ce sont beaucoup de prises de risques. Baptiste, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi avec Canopé Consulting, tu as choisi de financer des projets dans la transition ? Exactement, alors c'est important d'avoir défini les termes de transition parce que c'est quelque chose qui est quand même au cœur de notre réflexion, de savoir qu'est-ce qui transite, qu'est-ce qui ne transite pas, c'est aller d'un point A à un point B aussi la transition. Et pourquoi on le finance ? Parce que la réalité, c'est que sur des perspectives long terme, financer des projets où il y a une transition, ben, c'est prendre moins de risques de façon paradoxale. Mais nous, on regarde les choses de façon systémique, de façon globale. Là, on parle de transition agroécologique, mais nous, ce qui va nous intéresser quand on accompagne un projet d'agriculteur, d'agro-industrie, de modèle en réseau, de production agricole, de distribution, ce qui va nous intéresser, c'est la transition dans sa globalité. Donc, l'aspect agroécologique, il est important, c'est-à-dire l'impact sur la biodiversité, le carbone, etc. Mais on va aussi regarder la transition sociale de ces projets, sur la redistribution de la valeur sur l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire du consommateur jusqu'à l'agriculteur, et la robustesse de ces modèles économiques. Parce qu'on a du mal, nous, à imaginer, en tant que financeur, investisseur, la transition sans se poser la question de tous ces paliers, de tous ces piliers indispensables à faire en sorte qu'une transition qui est accompagnée, ça soit pas du greenwashing, elle soit totalement robuste, elle amène une résilience du système alimentaire en France, etc. Donc ça, c'est un point qui est important pour nous. Donc accompagner des projets de transition, des projets robustes, résilience, c'est prendre moins de risques sur le long terme. J'imagine que ce n'est pas évident, donc déjà de tout bien définir. Merci. Sophie, pourquoi est-ce que tu as choisi un métier en lien avec la transition agroécologique ? Donc là, on l'a défini, mais maintenant, pourquoi est-ce que vous vous êtes tous engagés dedans ? Ou du moins, pourquoi est-ce que tu as choisi un métier qui a un impact sur les pratiques agricoles ? Ça, c'est vraiment un engagement personnel. Donc moi, je viens d'un département en France où, disons que, voilà, il y a beaucoup de monoculture de maïs, c'est les Landes. Et donc, on voit les effets négatifs au niveau environnemental, mais aussi socio-économique. Quand il y a la sécheresse ou une crise des prix, en fait, les agriculteurs sont très dépendants d'une culture et donc, ça pose un certain nombre de soucis. On fait face aussi à des défis majeurs environnementaux, alimentaires. Il faut qu'on fasse évoluer aussi nos modes de consommation. Choisir un métier dans l'agroécologie, c'est un moyen de s'engager et de faire évoluer à une petite échelle les systèmes pour respecter à la fois l'environnement et être plus viable économiquement. Très bien. Et de toute façon, on a besoin de la recherche. Donc toi, pour rappel, tu es à l'INRAE et on a besoin de la recherche. Et tout le monde ici autour de la table s'appuie sur des projets de recherche comme les tiens. Donc vous avez tous des métiers très complémentaires. Donc Émilien, toi, tu es sur le terrain puisque tu es agriculteur. Donc tu es au cœur de la complexité technique de cette transition. Donc tu nous as parlé de différents projets. Mais pour toi, au quotidien, c'est quoi la transition ? Tu peux nous dire que c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, oui. La transition, en fait, on a l'impression qu'elle se fait plus sur le papier que dans le terrain, vraiment. C'est tellement complexe d'un point de vue administratif de demander des autorisations pour planter un arbre, par exemple. Désolé du mot, mais c'est débile. Mais c'est la réalité française actuellement. Après, ce qui est compliqué d'un point de vue technique, c'est le territoire. Nous, dans le Quercy, on a un territoire qui est tellement diversifié parce qu'on a des terres qui sont très argileuses et on fait 50 ou 100 mètres, on n'a que des cailloux. Donc en fait, c'est très compliqué de mettre en place une pratique dans notre territoire, notamment au niveau céréalier. Alors au niveau viticole et tout, la vigne, elle est implantée, elle se passe, elle se gère toute seule. On gère l'enherbement et ça se passe très bien. Mais au niveau céréalier, par exemple, faire de l'agriculture de conservation et tout, chez nous, dans les argiles qui sont très lourdes, ça devient très compliqué. C'est pas pour autant qu'on acharne nos terres. On essaye vraiment de limiter les passages, on essaye de limiter énormément les tassements. Alors c'est très compliqué parce que le matériel est de plus en plus lourd aussi. Donc limiter les tassements, ça devient très compliqué pour conserver les sols. Les pratiques à mettre en place sont beaucoup plus compliquées à mettre en place d'un point de vue administratif que d'un point de vue terrain. Et après, il y a tout l'aspect économique aussi. Tout augmente, tout devient de plus en plus cher. Et donc du coup, mettre en place une pratique redevient vraiment coûteuse. Donc oui, on essaye de trouver des financements. Oui, on essaye de s'en sortir aussi de notre côté. Mais quand on a des crises économiques comme on a actuellement, qu'on a des productions qui sont complètement aléatoires dues au changement climatique et tout, presque on a l'impression qu'on a loupé le wagon de la transition. Ça devient très compliqué de mettre en place une transition qui va durer sur le long terme parfois parce que justement le changement climatique qu'on a actuellement, on y est confronté en plein dedans. On a l'impression qu'on a 10 ans de retard du coup. Ça devient compliqué de ce niveau quoi. Donc la réalité technique, c'est qu'il y a des contraintes administratives où en effet c'est pas évident de mettre en place des projets, et il y a l'environnement, et on est déjà en plein dans le changement climatique qui est subi au quotidien par les agriculteurs. Et donc, forcément, c'est pas du tout simple. Mais il y a une réelle volonté de transition qui est là et qui est chez plein d'agriculteurs, mais la réalité du terrain fait que c'est pas évident. Si ensuite on revient un petit peu sur nos parcours à Purpan, maintenant qu'on a vu des exemples de transition et comment c'était un petit peu sur le terrain, à l'école d'ingénieurs de Purpan où nous sommes aujourd'hui, Julie, qu'est-ce qui t'a amené toi après Purpan, t'a amené toi dans ton métier aujourd'hui? Je dirais beaucoup de polyvalence. Je travaille dans le milieu associatif et donc par essence il faut être très polyvalent. je travaille à la fois sur accompagner des groupes, des collectifs agroécologiques en lien avec sur des projets aussi agritouristiques, sur les circuits courts aussi. Et donc ça demande aussi cette gymnastique mentale et d'avoir une vision assez globale du fonctionnement d'une exploitation agricole, de son territoire dans lequel elle s'inscrit, et tous les acteurs qui peuvent graviter autour de cet écosystème, en fait, qui constitue un réel écosystème. Et ça, c'est ce qui, je pense, m'a le plus apporté. Très bien. Et donc toi, Quentin, tu nous en as un petit peu parlé, mais en quoi Purpan t'aide dans ton métier actuellement ? La question est vaste. Je dirais, je plussois à la polyvalence, donc parce que moi j'ai travaillé d'abord dans le milieu associatif en tant que salarié, et là j'ai monté du coup une association en tant que président bénévole d'abord, et je me suis créé mon poste du coup de coordinateur. Et je développe, et donc ça m'a appris à la fois de la gestion de projet, tous les métiers finalement, et c'est aussi pour ça à l'époque que j'avais choisi Purpan, c'est que je savais que j'allais peut-être faire moins mon thème de cœur qui est l'agroécologie, l'agronomie. J'ai aussi fait de la gestion, de la compta et des choses qui me plaisaient moins, mais qui sont utiles. Je pense que voilà, c'est un parcours assez complet qui permet après de choisir sa voix, et en l'occurrence moi, je mobilise toutes les compétences. Et dans une association, comme disait également Julie, où il faut être un peu des couteaux suisses et dans des projets, c'est là où ça t'apporte d'avoir cette diversité. Et alors je sais plus comment ça a évolué, mais après ce qui m'a vraiment, moi, je suis en train de penser, vraiment beaucoup porté, c'est tous les stages. Tous les stages, et ma clé différenciante, c'est d'avoir étudié aux États-Unis les sols et d'être allé aussi en Nouvelle-Zélande et d'avoir vu autre chose, tout le parcours complet, alors que je suis rentré aussi en deuxième année, donc après c'est tout mon parcours, mais ce parcours professionnalisant a beaucoup aidé. Toi Baptiste, tu travailles dans les finances plutôt, donc qu'est-ce que Purpan a pu t'apporter dans un secteur où il n'y a pas forcément la majorité, on va dire un peu le cœur du métier Alors c'est vrai que c'est pas commun, hein. Le parcours de Purpané, ça forme pas forcément des investisseurs. Alors qu'est-ce que m'a apporté Purpan ? J'ai envie juste quand même de bien répondre à cette question. Déjà, ça m'a apporté mes associés quand même, donc c'est pas rien. Hein. C'est vrai, que des Purpanais. Et donc une conclusion, c'est que Purpan, c'est un réseau, c'est une méthode, c'est une façon de penser aussi, c'est une forme aussi de culture de l'humilité aussi via les stages. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez enrichissant, et je pense qui me suit depuis que je travaille, parce qu'après mon parcours, ça a été faire des études de finance, des études de droit, etc., donc travailler dans des banques d'affaires, un monde qui est assez éloigné de l'écosystème un peu natif de Purpan. Et pourtant, malgré tout, cette méthodologie, cette culture un peu ignatienne de Purpan, l'apprentissage sur l'expérimentation et tout, c'est des choses vraiment enrichissantes. Donc je pense que Purpan, déjà, ça m'a apporté ça en premier. Après, ça m'a apporté la connaissance du monde agricole. Ça, c'est indéniable, parce qu'on est une école d'agriculture. Et ça m'a apporté cette connaissance de l'ingénieur en agriculture qui est extrêmement forte, qu'aujourd'hui j'utilise au quotidien, même si notre métier, c'est un métier technique qui est autant juridique que financier. Mais il n'empêche que ça m'a apporté ces choses-là. Bah, des éléments très importants dans un monde aujourd'hui qui bouge et où on a besoin de savoir un petit peu où on va, peu importe vos métiers respectifs, ça en est l'exemple même. Merci. Maintenant, on va parler un petit peu plus, on va dire, de l'éthique dans vos métiers, pour un petit peu que nos auditeurs, auditrices comprennent pourquoi vous êtes dans ce type de métier. Est-ce que c'est facile ou pas d'aller vers ces métiers-là, et comment ça se passe? Donc Sophie, à l'INRAE, est-ce que trouver un métier aujourd'hui dans la transition agroécologique ou en lien, est-ce que c'est compliqué? Alors, j'ai pas de chiffres. C'est pas compliqué grave. De répondre à la question. Mais disons que je suis sortie de Purpan en 2009, donc ça fait quand même 16 ans. Et au moment où je suis sortie, on ne parlait même pas d'agroécologie. Alors, on parlait plutôt d'agriculture durable, qui est toujours un concept mobilisé. Donc je pense qu'il y a eu une évolution plutôt positive. Il me semble, mais encore une fois, je n'ai pas de chiffres, qu'on trouve de plus en plus d'offres plutôt dans l'amont de la production, donc tout ce qui est conseil auprès des agriculteurs, dans la recherche, dans le consulting, beaucoup plus de projets ou d'offres sur l'agroécologie. Nous, au sein d'INRAE, ça fait partie en fait d'une des orientations stratégiques d'accélérer la transition agroécologique et alimentaire. ça fait partie de la feuille de route de 2030. Donc, on a toute une offre de postes de chercheurs, en fait, sur ces thématiques. Mais c'est vrai qu'on voit aussi que selon les évolutions politiques, ça peut être amené aussi à évoluer. Nous, INRAE, ça dépend de financement public. Donc voilà, c'est quand même quelque chose, je pense, où il faut faire du lobbying pour montrer les intérêts de l'agroécologie. Et certes, c'est un investissement, mais il pourra avoir un retour sur investissement. Tout à fait. Émilien, toi qui es encore une fois agriculteur, est-ce que autour de toi, tu t'installes, donc tu es dans un secteur où tu rencontres quand même pas mal de monde en lien avec ton projet, est-ce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs sur donc toi, le Tarn-et-Garonne, qui se posent la question de la transition ? On va dire qu'à majorité, c'est non. Pourquoi ? Parce que nous, enfin, en tout cas dans la région où je suis, dans les communes avoisinantes où je suis, soit j'ai des personnes qui sont en fin de carrière, qui sont proches de la retraite et qui ont vraiment pas envie de s'embêter maintenant à changer leur pratique. Il leur reste 2-3 ans, ils disent bon ben voilà, ben, il me reste 2-3 ans, je vais faire comme j'ai toujours fait pendant 30 ans de ma vie. Et on a notre profil qui est celui, alors je veux dénigrer personne. Non, tu nous parles de ton entourage. Voilà, je parle de mon entourage, je parle de ce que je connais. Il y en a qui ont fait, j'allais dire, un simple BTS ou après le bac, qui se sont directement installés et qui n'ont pas cette ouverture d'esprit et qui ont toujours fait et qui ont toujours vu ce que papa ou papy a fait, ou le voisin. Et donc, du coup, qui ne voit pas comment ou qui ne voit pas pourquoi il changerait de pratique. Parce que c'est la facilité, parce que ben, maintenant, ben, mettre du glyphosate dans son champ, par exemple, ou des trucs comme ça, ben, c'est la solution de facilité quand on a une adventice. Et il y en a, on va dire, 10% des cas qui ont poussé un peu plus qu'un BTS ou qui ont fait une licence ou qui ont fait ingénieur et qui, eux, ont eu cette ouverture d'esprit et se posent des questions même si ils savent que c'est compliqué. J'ai des exemples où... un viticulteur qui est en conventionnel se pose alors pas la question de passer en bio, très loin de là, parce qu'actuellement en bio c'est extrêmement compliqué la viticulture vu d'un point de vue économique. Oui, d'un point de vue économique et même d'un point de vue maladie, pression maladie. On a des pressions maladies qui sont extrêmement dures en viticulture actuellement dues au changement climatique et on a des souches de mildiou par exemple et d'odium qui sont de plus en plus résistantes à la bouillie bordelaise, malheureusement. Donc voilà. Donc pas, il se pose pas la question de se dire est-ce que je passe en bio ou pas. Non, il se pose plus la question de comment je peux déjà limiter mes apports et comment je peux rééquilibrer la balance par rapport à on va dire tout le mauvais que je fais. Voilà, donc ça passe par implantation de couverts, ça passe par implantation de haies, comme j'ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, donc il y a beaucoup de notions qui sont prises en compte par des personnes comme ça. Mais c'est des personnes qui ont eu auparavant une ouverture d'esprit. C'est pas des personnes qui, c'est des personnes qui sont un peu émancipées de ce que la pression familiale ou la pression du voisin fait. Ouais, donc toi, tu observes vraiment des profils qui sont allés faire des stages ou des études ou des choses qui ont fait qu'ils ont vu d'autres systèmes que ce qu'ils ont connu, on va dire, dans leur cercle familial. Exactement. Et après, je voulais rajouter un dernier truc, c'est que nous, on est quand même Tarn-et-Garonne dans une région qui est très fruitière. On est quand même le premier département fruitier de France. Il faut se dire une chose, c'est que nous, vu qu'on fait la majorité des fruits de France, on est sous pression du consommateur. Et le consommateur, actuellement, n'a pas cette vision, j'allais dire, de se dire « Ah, ben, j'ai le droit d'avoir un fruit moche ». Non. Lui, le consommateur, il veut une pomme, par exemple, qui soit bien ronde, bien rouge ou bien jaune, et qui n'ait pas de tavelure, qui n'ait pas de... Et ça, de faire accepter un consommateur... Ben, un petit pépin de grêle, une petite tache de tavelure, ben là ça devient compliqué. Et on va dire que l'ouverture d'esprit, elle n'est pas faite à la fois par l'agriculteur, mais elle a du mal à se faire, ou en tout cas elle se fait trop lentement par rapport au consommateur. Voilà. Ouais, parfait pour faire la transition. Donc Julie, toi tu accompagnes des groupes d'agriculteurs. Bon, déjà, est-ce que dans tes groupes d'agriculteurs, il y en a qui se posent des questions? Et après, par rapport à... Tu as aussi une partie où tu travailles sur les circuits courts. Donc par rapport à la vie du consommateur, tu peux d'abord nous parler de tes agriculteurs et après, si tu veux parler du circuit court, ce sera très intéressant. Alors oui, évidemment, les agriculteurs, les agricultrices avec lesquelles je travaille, ils s'inscrivent déjà dans une démarche de transition. Ceux avec lesquels je travaille ne sont pas forcément un échantillon représentatif, voire pas du tout, parce qu'ils viennent de manière volontaire. Souvent, ils ont entendu parler des actions du CIVAM localement. Et donc forcément, ils sont inscrits dans cette démarche-là. Hier, par exemple, j'étais avec des membres du groupe Défi et aussi avec d'autres viticulteurs des communes sur lesquelles ils sont, pour faire des tournées reconnaissance flavescence. Et en fait, ça fait... Les discussions qu'on a pu avoir, typiquement la crise du bio, a fait beaucoup peur, en fait. Et donc, certains sont encore plus frileux à l'idée d'aller vers une transition agroécologique, parce que le contexte économique n'y est pas propice. Donc voilà, donc forcément, ça peut faire peur. Et après, quelle était la question ? Sur la partie circuit court, du coup, Emilien disait qu'il fallait que ça vienne également des consommateurs, puisqu'il y a la difficulté des agriculteurs en transition d'arriver à vendre leur production, qui du coup n'est pas forcément toujours parfaite et calibrée et qui subit un peu plus les pressions maladies. Toi, là-dessus, qu'est-ce que vous faites au CIVAM, puisque tu travailles sur les circuits courts ? Alors, on a pas mal de projets qui impliquent des citoyens, des citoyennes. J'ai des collègues qui travaillent sur donc des projets en lien avec la sécurité sociale de l'alimentation, donc une initiative de caisse alimentaire commune sur la métropole de Montpellier qui prend de l'ampleur. Et il y a quand même des citoyens, des citoyennes, des consommateurs en fait qui s'emparent de ce sujet de l'alimentation et qui font bouger les choses localement. Et finalement, ça finit par peser dans la balance. Et donc ce mouvement-là, il peut venir des consommateurs, des consommatrices, mais il peut venir aussi des politiques quand elles sont favorables. voilà, il y a la métropole de Montpellier, par exemple, elle a tout un portefeuille de projets sur les paysages alimentaires pour favoriser les transitions. Donc là, par exemple, je vais commencer à travailler sur un nouveau projet de déploiement d'une démarche qui s'appelle « Ici, c'est local » pour identifier l'origine des produits sur les marchés de plein vent. Et donc, c'est aussi une autre manière de sensibiliser et d'informer les consommateurs des transitions qui existent. Complètement. Donc ça peut venir de la transition, il y en a plusieurs, il y a agroécologique, il y a alimentaire, donc elle concerne tous les plans de la filière et c'est très complexe et ça demande beaucoup de coordination entre acteurs. Donc c'est vrai que là vous êtes des profils tous variés qui nous montrent un petit peu ça, même s'il y a encore plus de métiers que ça. Quentin, toi, je ne l'ai pas dit, mais tu t'installes également en tant qu'agriculteur. Donc pour rebondir peut-être un petit peu sur ce qu'a dit Emilien, toi comment est-ce que tu sens pareil? Comme Julie, t'es un petit peu dans un secteur de niche avec beaucoup d'agriculteurs très engagés. Mais qu'est-ce que toi, tu en penses un petit peu de ça ? Qu'est-ce que tu penses de la transition et des agriculteurs ? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui s'engagent ou pas dans la transition agroécologique ? C'est encore une grosse question. Je dirais que tout le monde y est plus ou moins engagé parce que Emilien l'a justement dit, même un agriculteur conventionnel très éloigné va essayer de raisonner ses charges. Faire preuve de bon sens. Et l'agriculture bio de conservation, c'est réduire le travail du sol. Ça peut être faire des couverts végétaux, des cultures associées, remettre une haie, mettre des macérations, penser ses rotations, remettre de la prairie. Il y a plein de pratiques. On peut le prendre par un bout, c'est une boîte à outils. Il y a des circuits longs. Il y a des exemples avec, je vais citer Probiolor, Cosebi, deux coopératives agricoles 100% bio qui essayent de faire développer des pratiques agroécologiques ABC. Il y a Alain Cartier dans le Gers qui fait de la pomme de terre avec des couverts du couvert de lin et qui le vend pas très cher. On essaye aussi sur les décompactés de l'ABC de montrer qu'on peut faire, par exemple pour Noël, on fait des paniers de Noël ABC. C'est un moment promotionnel pour dire on peut faire du zéro déchet et acheter local. On est en Occitanie, premier département bio. Il y a beaucoup de choses et des agriculteurs qui font des pratiques ABC. Donc après, il y a le sujet de la définition de l'ABC. quand on se considère en ABC ou pas. Pour nous, c'est vraiment pas le semis direct en bio, ne pas toucher le sol, c'est loin des dogmes, c'est vraiment prendre soin du sol, comprendre la santé de son sol vis-à-vis d'un objectif de production. Donc en vigne, ça va être peut-être réfléchir des couverts ou de l'enherbement permanent ou de l'entretien. Voilà, en arboriculture, c'est un peu similaire. Et en élevage, c'est relativement facile, et je mets des gros guillemets, on le voit pas, mais... on les a vus. Voilà. Et en grande culture, c'est là où... j'allais dire, les esprits peuvent être étroits, mais c'est ça, c'est aussi que... Tout à l'heure, Emilien, tu parlais du niveau d'enseignement. Ça peut être aussi simplement la manière d'aborder les choses. Quelqu'un qui a un petit niveau d'enseignement, mais qui va être curieux par nature. Il y a plein d'exemples, mais effectivement, ça aide. En général, le niveau d'études aide. Et la statistique qui est peut-être plus à jour de l'Agence Bio, mais qui avait travaillé sur les installations, il y a 5000 installations en France hors cadre agricole. En général, ces projets-là, il y a beaucoup de transformations, ou dans des circuits longs, mais bien pensés, des reconversions, c'est différent, mais c'est pas encore la majorité. Et c'est, à ta question, le premier lien qui me venait, c'est que tout le monde y va, parce que notamment moi, alors là, je vais jeter un pavé dans la mare, mais des fois, je m'entends beaucoup mieux avec un agriculteur, l'extrême de la FNSEA, qu'avec un agriculteur affilié Confédération Paysanne. Parce qu'en fait, un agriculteur affilié Confédération Paysanne, là je vais m'attirer les foudres, mais venez me chercher, qui est un ayatollah du bio par exemple, et qui a des pratiques qui peuvent être en fait aussi dans un dogme, alors que et on a plusieurs membres de notre association qui étaient férus FNSEA, mais à partir du moment où on les écoute et qu'on discute des problématiques, ben on peut aussi désamorcer des choses d'un extrême ou de l'autre, mais les extrêmes sont pas bons, quoi. Et c'est jamais manichéen. Donc en gros, revenir à chaque fois au contexte pédoclimatique, à l'enjeu des personnes, des humains qui sont sur les fermes, comment ils vendent, où sont les charges, est-ce qu'on est en mode survie ou pas, et j'ai digressé, je te relaisse la main. c'est parfait, merci Quentin. En effet, la transition, on l'a dit, c'est compliqué, chacun a ses opinions, mais il faut rester ouvert, les recherches évoluent, et il y a beaucoup de pratiques, par exemple l'ABC, c'en est un exemple, mais ce sont des projets comme ça qui nous permettent aussi de démonter un petit peu des dogmes, et d'apprendre en fait, et l'agronomie, c'est pas une science exacte, loin de là, il y a vraiment beaucoup de paramètres qui l'influencent. Comme vous l'avez tous dit, Quentin, je vois que tu veux réagir. Je veux juste dire l'ouverture d'esprit, oui. L'ouverture d'esprit est clé, voilà. Sur soi-même et sur ce qu'on peut voir et comment ça peut soit, si j'ai notamment du désaccord dans le débat, structurer, argumenter ou me remettre en question et changer d'avis. Donc les transitions, il faut rester curieux et ouvert d'esprit et échanger parce que ça bouge, c'est tout le temps en mouvement et il faut rester ouvert. Baptiste, la transition, c'est tendance. Si on parle, si on reprend, on va dire, plus de hauteur pour un citoyen, une citoyenne lambda, c'est tendance. On parle de transition dans tous les sens. Mais toi qui finances des projets de transition, est-ce que tu observes des projets et beaucoup de demandes, on va dire, de projets qui sont profondément ancrés dans ce dont on a parlé là, avec des valeurs? Ou est-ce qu'il y a aussi pas mal d'idées un petit peu de greenwashing? Oula, alors là, ça peut être... C'est très, très clivant comme sujet. Est-ce qu'on finance du greenwashing? Alors peut-être pas à Canopée. Hein. Non, ça c'est certain. Mais alors, dans vos demandes que vous pouvez non, avoir... Non, mais je ne vais pas jouer au jeu du ni oui ni non. Mais quand même, c'est une question qui est intéressante parce que ça renvoie aussi à la responsabilité du monde de la finance vis-à-vis de ça. Et à la finance à impact. Alors, donc ce qui est important à avoir en tête, c'est des projets avec du greenwashing, sans doute que ça existe. Moi, j'en connais pas. Peut-être qu'il y en a qui me viendra en tête si je réfléchis un petit peu. Mais je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut regarder l'intensité de la transition qu'il y a derrière ce projet et la façon dont elle est construite. On peut, dans la finance à impact, financer des projets qui vont chercher à atténuer des impacts négatifs sur nos écosystèmes, sur des éléments sociaux, etc. Ça, c'est des projets peut-être qui sont moins robustes à l'échelle du temps. Et ce que nous, on regarde, c'est des projets qui ont un impact systémique. Et on parlait de concertation citoyenne, on parlait de formation, d'intelligence collective. Je pense que pour éviter le greenwashing, qui, à mon sens, de toute façon, ne tient jamais l'épreuve du temps, parce que les investisseurs, les citoyens ne sont pas non plus naïfs. Au bout d'un moment, je pense que ça ne tient pas. Et on peut trouver des exemples, d'ailleurs, de projets greenwashing qui ne tient pas l'épreuve du temps. Par contre, ce qui est important quand on accompagne un projet de transition, c'est pas que s'inscrire dans une tendance du financement à impact, mais c'est se poser la question de façon systémique, mon projet, dans quoi il s'inscrit ? Dans quelle amélioration de la société il va s'inscrire ? Dans quelle amélioration de mon écosystème naturel il va s'inscrire ? Est-ce qu'il contribue à une santé universelle, unique ? Voilà. C'est ces éléments-là qui sont importants, qui permettent, je pense, d'éviter le piège du trou, la trappe du greenwashing, qui est forcément quelque chose qui, je pense, va nuire globalement à tous ceux qui sont de bonne volonté dans leur volonté de faire la transition, et qui peut aussi créer des fois du clivage dans le monde de la finance, qui peut aussi avoir une approche bienveillante et orientée vers la transition et du progrès. Tout à fait, puisque ça peut ne pas être volontaire de ne pas faire de ne pas avoir un projet robuste et du greenwashing, si on peut dire un petit peu. Ça peut être par manque de connaissances, de réflexion. Je pense que c'est tout à fait vrai. Et en fait, ce qui est important, je pense, et nous, c'est vraiment ce qu'on prône, c'est que quand on accompagne un projet, il faut que l'impact y soit embarqué avec les dirigeants, dirigeantes. Il faut qu'ils soient embarqués, qu'ils soient accompagnés, qu'il ne faut pas laisser la transition se faire par elle-même, juste par une simple idée sur un PowerPoint, etc. Je pense qu'il y a une notion d'accompagnement entrepreneurial des porteurs de projets et d'accompagnement dans l'impact. Et si, je pense, on arrive à recueillir ces deux piliers qui sont, à mon sens, des piliers de la réussite d'un projet de transition, on ne tombe pas dans l'éphémère, le court-termiste, le greenwashing, ou enfin toute la sémantique qu'on veut mettre autour de ça, quoi, qui sont des visions négatives, alors qu'on peut construire les choses de façon très positive en accompagnant des porteurs de projets de façon totalement holistique, systémique. Tout à fait. Pour terminer, je vais vous demander de répondre tous très rapidement. Est-ce que vos convictions personnelles ont influencé votre choix de métier ? Sophie. Ben oui, clairement. Je l'ai dit tout à l'heure. Moi, il faut savoir que j'ai fait plusieurs métiers. Je n'ai pas fait que de la recherche. Mon premier métier après Purpan, c'était d'être animatrice, d'une association d'agriculteurs qui mettait en place des pratiques agricoles durables. Donc ça a clairement orienté mes choix après. Et peut-être ce que j'ai pas dit, et j'aimerais quand même le dire, je pense que la transition aussi, elle fait changer les métiers de la recherche. C'est vrai que par rapport à la recherche des années 50, nos métiers aujourd'hui de chercheurs, la transition nous questionne. Et le fait que l'agroécologie doit être beaucoup plus adaptée au contexte pédoclimatique, aux contraintes et aux objectifs des agriculteurs, ça fait qu'on travaille beaucoup plus en relation, que les expérimentations aujourd'hui, elles sont plus seulement en station, mais elles sont chez les agriculteurs, que dans la conception même des recherches, il y a beaucoup plus de recherches participatives. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important et qui me motive au quotidien pour faire ce métier. Merci. Émilien ? Moi, je dirais que c'est la passion, surtout, après. Moi, quand je suis sorti de Purpan, il n'y a pas si longtemps que ça. C'était en 2023. Deux ans, c'était en 2023. Quand je suis sorti de Purpan, au début, je ne me destinais pas forcément à reprendre directement l'exploitation familiale. Ça m'intéressait et tout, mais bon, voilà. J'aurais pu aller travailler ailleurs, forcément dans un métier qui m'aurait plus, mais pas forcément plus que ça. Et c'est après la quatrième ou cinquième année de Purpan où je me suis rendu, bon ben là je commence à en avoir marre un peu de vagdinguer à droite à gauche, et j'ai vraiment envie de faire aussi mes choses par passion, par envie, et parce que j'ai toujours eu aussi des parents qui sont très ouverts d'esprit et qui du coup ont toujours été moteurs de l'en avant sur l'exploitation. Donc c'est ça aussi qui m'a attiré. Les pratiques que moi je mets en place, c'est juste une continuité aussi de ce qui avait déjà été entamé depuis les années 90 par mon père, voire même avant par mon grand-père, mais bon, il était pas bio, il avait des pratiques beaucoup plus raisonnées que ses voisins, mais voilà, on va dire que ça a toujours été un moteur en avant. et une réelle envie de me dire ben, j'ai envie de faire partie de ce projet-là de transition qui dure maintenant depuis plus de 30-40 ans et de jamais s'arrêter parce que ben, c'est hyper moteur et qu'il y a tellement de choses, de possibilités à faire sur une exploitation agricole. C'est le seul métier, j'allais dire, le monde agricole et agriculture, c'est le seul métier où on peut faire tous les métiers. Voilà. C'est une conclusion. Voilà. Julie ? Oui, évidemment. je pense que bon, c'était déjà une sensibilité même avant Purpan, mais quand on voit le contexte socio-économique, politique, climatique dans lequel on est et les enjeux auxquels ben, les agriculteurs et les agricultrices sont déjà confrontés aujourd'hui mais qui impactent toute la société. Je pense qu'il n'y a pas... Pour moi, c'était très important d'avoir un métier qui avait du sens avec tout ça et d'aller vers plus de durabilité. Sinon, à quoi bon ? Et donc, forcément, ça avait du sens. J'ai commencé à travailler toujours en lien avec la commercialisation en circuit court en agriculture biologique. Et là, au plus près, les agriculteurs et les agricultrices, et pour moi, il n'y aurait pas d'autre option. Merci. Quentin ? Oui. Oui aussi. Et un cheminement, moi, j'ai pas travaillé. Enfin, au décompacté, d'abord dans le réseau bio, puis dans un espace test agricole en accompagnement. Donc j'ai toujours apprécié le contact avec... ces personnes magnifiques que sont tous les agriculteurs, bio et non bio, enfin, franchement très authentiques. Je donnerai ma place pour rien au monde et ma place aussi de plus réactif, où du coup je suis aussi paysagiste, tu l'as pas dit, mais un peu de paysagisme en installation agricole, donc bientôt agriculteur aussi, et donc cette pluralité me va très bien. Baptiste ? Eh bien, je ne sais pas par quoi commencer là pour répondre à ta question, mais ce que tu peux dire plus, oui ou non. Et en plus, j'ai même pas une minute pour répondre. Ce que j'aimerais dire en premier, bon, l'agriculture, c'est quelque chose dans lequel je baigne depuis que je suis tout petit, et le sujet de l'agriculture à impact, à mission, à environnementale. Ça aussi, c'est quelque chose auquel je baigne depuis tout petit. Enfin, je viens d'une famille dans la coopération viticole. Mon père était dirigeant d'une coopérative. Qui a été pionnière dans la viticulture raisonnée. Alors quand on était gamin, on nous expliquait ce que c'était que le développement durable, quoi. Donc je pense que ça nous a un peu incarné quand même le cerveau avec mon frère. Et puis tout doucement, j'ai toujours eu l'envie d'entreprendre pour pouvoir influencer positivement mon écosystème, donc, et avoir une forme de liberté. Et donc j'ai commencé à travailler dans une grande banque française. Rapidement, il y a eu, on a un peu oublié ces époques-là, en 2017, il y avait le sujet de greenwashing. Et donc là, j'ai fait première transition, on va dire, dans le monde de l'entrepreneuriat, en rejoignant à sa création Mimosa, une plateforme de financement participatif pour les agriculteurs, où j'ai créé des activités de crédit, etc. Où, en fait, pour moi, c'était important de rassembler les citoyens avec le monde agricole. Et ça venait un peu de cette souffrance que j'avais sur le green bashing, dont j'avais du mal à comprendre les fondamentaux. Et puis, Canopée, lancer un fonds d'investissement de 70 millions d'euros pour avoir un impact positif sur le monde agricole, l'alimentation des Français, la résilience alimentaire. Voilà, tout ça, c'est des choses, c'est un fil continu qui ne se rompt pas, quoi. Voilà. Merci. Merci à tous les cinq pour ces échanges passionnants et surtout d'avoir pris le temps de venir ici, à l'École d'ingénieurs de Purpan. On espère que cette discussion donnera lieu à des vocations et des engagements pour la transition agroécologique et toutes les formes de transition. Nous remercions très chaleureusement l'École d'ingénieurs de Purpan, l'Université fédérale de Toulouse, l'association Purpan Alumni, Campus FM qui nous permet d'enregistrer et de diffuser cet épisode et la région Occitanie d'avoir contribué. À bientôt pour un nouvel épisode de Agro J'écoute.